La nièce du masque de fer par Élie Berthet. Chapitre 1er. En 1680, un jour de chasse royale à Saint-Germain, quelques jeunes officiers de la maison de la reine suivaient, vers le soir, l'avenue qui conduit au pavillon de la Muette au centre de la forêt. C'était par là que la cour devait revenir au château, et il ne paraissait pas que les étourdis eussent d'autres intentions dans leur promenade que de voir l'arrivée de la chasse et de faire quelques malicieuses observations sur les dames de suite. En attendant, ils s'avançaient à pas lents sous l'ombrage épais que projetaient les grands chênes au soleil couchant, et une conversation vive et animée s'était engagée entre eux. Tout à coup, la forêt, qui avait été plongée jusqu'à ce moment dans un profond silence, retentit d'un bruit lointain de trompes et de chevaux. Des coureurs, en brillant costume, passaient à franc étrier, se dirigeant vers le palais, et en même temps, le somptueux cortège commençait à se montrer à l'autre bout de la longue avenue. « La chasse, messieurs, la chasse !» s'écria un jeune lieutenant, arrivé au corps le jour même, et qui cherchait à déguiser sa timidité provinciale sous un petit air délibéré. « Vous m'avez promis de me nommer tout le monde !» Le capitaine Fontmort, qui se trouvait près de lui, répondit avec un sourire, « Monsieur de Chavigny, le moment est mal choisi pour voir en détail. Ils vont passer comme un tourbillon. » « Souvenez-vous, messieurs, » dit Chavigny, en élevant la voix et en s'adressant à ses nouveaux camarades, « que si le hasard nous séparait, le rendez-vous ce soir est au cabaret des Armes de France, où nous fêterons joyeusement ma bienvenue aux gendarmes de la reine. Bravo, bravo !» répétèrent tous les étourdis. « Place au roi !» crièrent les pages qui couraient en avant du cortège. Pendant cette conversation, la chasse s'était avancée avec rapidité. Le clapement des fouets, le son des trompes, le fracas des carrosses, sortait d'un nuage de poussière qui montait jusqu'à la cime des arbres. Les officiers se découvrirent et se rangèrent respectueusement sur le bord du chemin. Louis XIV parut le premier dans son grand coche doré, traîné par 8 chevaux empanachés. Puis venaient les équipages de la reine, du dauphin, des princes du sang. Les jeunes gens s'inclinaient jusqu'à terre. Chavigny, dans sa naïve admiration, avait saisi machinalement le bras de Montfort. « Que cela est beau !» « Que cela est riche et majestueux !» disait-il avec transport, en regardant cette longue file de voitures qui s'étendait à perte de vue, ces gracieux cavaliers qui galopaient aux portières, ces figures de femmes fraîches et souriantes, ce luxe royal, cette fête royale. « Oui, » murmura Montfort, comme s'il se parlait à lui-même. « Cela donne des désirs immenses de gloire et de puissance. On éprouve le besoin de jouer un rôle important au milieu de ces riches acteurs. D'occuper l'attention de cette foule superbe, de la dominer par sa fortune. Eh, qu'importe la fortune, reprit Chavigny vivement, pourvu qu'on brille dans ces fêtes, qu'on plaise à ces belles et nobles dames, qu'on s'abandonne à cette joie fastueuse dont le roi lui-même donne l'exemple. Et quand tous les deux eurent ainsi laissé échapper leurs pensées, l'un par candeur, l'autre par distraction, ils se regardèrent avec curiosité. Chavigny était blond et svelte. Son visage doux et ouvert était rose comme celui d'une jeune fille. On reconnaissait en lui un de ces aristocratiques officiers à qui l'on achetait une lieutenance en naissant, et dont la main délicate semblait avoir à peine la force de soutenir une épée. Fontmort, au contraire, avait une physionomie brune et caractérisée. Ses yeux pleins de feu interrogeaient l'âme, sa pose était grave, son geste net et ferme. Malgré cette différence extérieure entre ces jeunes gens, il n'y eut aucune hostilité dans le regard qu'ils échangèrent. « Je prévois que nous suivrons à la cour des routes bien opposées, » dit le capitaine en souriant. « Cela nous empêchera-t-il d'être amis ?» demanda le lieutenant. Ils se serrèrent la main, et dans cette pression légère, il y avait déjà un pacte tout entier. L'homme de plaisir avait accepté l'énergique domination de l'ambitieux. Cependant, les autres jeunes gens donnaient carrière à toute leur causticité. Pour montrer à Chavigny qu'il savait la cour, il se croyait en droit de décocher une épigramme contre chacune des dames qui passaient. Ce fut d'abord le tour de Madame de Montespan, astre à son déclin, et celui de Madame de Maintenon, astre à son aurore, comme on disait alors. On fut sans pitié pour tout le menu fretin de la cour, pour le peuple des caméristes et des filles d'honneur. Personne ne fut épargné. Et pendant que ces fantastiques apparitions s'évanouissaient dans le nuage de sable qui s'élevait autour du cortège, Chavigny s'évertua à demander des explications qu'on ne lui donnait pas, préoccupé que l'on était par le plaisir de médire. La chasse était déjà loin, Il n'y avait plus dans l'avenue que deux ou trois carrosses attardés qui s'avançaient au galop pour rejoindre la cour. Les jeunes gens avaient remis leurs chapeaux et se préparaient aussi à regagner le palais quand une des voitures qui était restée en arrière quitta tout à coup le chemin battu et s'enfonça dans une contre-allée étroite et raboteuse où elle pouvait d'un moment à l'autre se briser contre les arbres. Il était évident que les chevaux, dans l'impétuosité de leur course, avaient pris le mort aux dents et allaient au hasard. Le cocher faisait des efforts impuissants pour les retenir et des cris d'effroi sortaient de l'intérieur du carrosse. Cependant, les jeunes gens hésitèrent un moment. « C'est quelque gageure de ce fou de Richelieu, » disait l'un. « C'est Villeroy qui exerce ses chevaux, » disait un autre. « Mais j'entends des voix de femmes, » s'écria Chavigny. En ce moment, pendant que la voiture se penchait à droite et à gauche en se heurtant aux arbres, une jeune fille à la figure brune et basanée, coiffée d'une sorte de turban oriental, se montra à la portière en appelant du secours. « C'est la Mauresse, » s'écria-t-on de toutes parts. « La Mauresse ?» répéta Fontmort à son tour en pâlissant. Il s'élança vers le lieu du péril, mais quelle que fût la rapidité de sa course, il avait été prévenu. Chavigny, léger comme un chevreuil, était déjà sur le passage de la voiture et cherchait à l'arrêter. Il profita du moment où les roues s'étaient embarrassées dans les branchages pour se suspendre à la bride du cheval qui semblait le plus fougueux. Mais sa témérité lui coûta cher. Le cheval se cabra, se souleva sur les pieds de derrière et, secouant violemment la tête, jeta le jeune audacieux à quelques pas devant lui. L'attelage allait reprendre sa course et Chavigny semblait perdu. Deux cris perçants retentirent dans le fond du carrosse. Fontmort arrivait en ce moment. Sans se laisser effrayer par le sort de son camarade, il saisit les rênes et le retint d'une main vigoureuse. Vainement le même cheval se dressa. L'officier, avec une force surhumaine, le conta jusqu'à ce que tous les autres jeunes gens fussent accourus au secours. On put alors maîtriser l'animal. Chavigny, revenu de l'étourdissement que lui avait causé sa chute, se releva aussitôt et pressa affectueusement la main de Fontmort. « Vous m'avez sauvé la vie !» lui dit-il avec une expression profonde. Fontmort ne l'écoutait pas. Il ouvrit la portière de la voiture avec empressement et deux dames descendirent en donnant des signes de terreur. La première était la jeune fille au teint basané que les officiers avaient appelée la Mauresse. Malgré sa couleur disgracieuse, la forme toute européenne de son nez et de ses lèvres ne permettait pas de la croire de race africaine. Elle était de petite taille, mais tous ses membres étaient si admirablement proportionnés que cette petitesse même était un charme de plus. Un riche costume de fantaisie achevait de lui donner un caractère étrange. Elle portait une tunique de satin broché, entr'ouverte par devant, à la manière des tuniques grecques, et qui laissait voir une seconde robe, plus longue, garnie de dentelles précieuses. Un collier de grosses perles ornait son cou. Une étoffe précieuse, roulée en forme de turban, enveloppait sa tête. L'autre dame était une de ces Espagnoles venues en France à la suite de la reine. À son costume national, à sa haute taille et surtout à sa laideur, les jeunes gens reconnurent bien vite cette demoiselle Molina, si célèbre par son influence extraordinaire sur l'esprit faible de Marie-Thérèse. Aussitôt que les officiers aperçurent la Mauresse, ils se découvrirent et s'inclinèrent en silence avec l'apparence du plus grand respect. Pour elle, son premier soin, dès qu'elle fut à terre, fut de demander à Fontmort s'il n'était point blessé. « Non, mademoiselle, » dit Fontmort avec un accent particulier, « et je le serai, que je n'aurais pas acheté trop cher le bonheur de vous être utile. » Une vive expression de joie se peignit sur les traits de la jeune fille, et alors seulement elle aperçut Chavigny, qui se tenait à l'écart encore tout poudreux et les habits en désordre. « Oh, pardonnez-moi, monsieur, » dit-elle d'une voix douce en s'approchant. « J'avais d'abord songé à celui qui vous a sauvé ainsi que nous. Je devais cela à son courage. » Un nouveau regard d'intelligence fut échangé entre Fontmort et cette mystérieuse personne. En ce moment, un coche magnifique à six chevaux parcourait l'avenue. « Demandez pour moi l'hospitalité dans ce carrosse, » dit la Mauresse, avec l'air imposant qui lui semblait naturel. Et pendant qu'elle adressait de gracieux remerciements à ses libérateurs, Mademoiselle Molina s'avança dans l'allée et fit signe au cocher d'arrêter. « Place à Madame la princesse de Conti, » dit celui-ci d'un ton insolent sans se déranger. Molina ne fit que prononcer quelques mots en montrant du doigt la Mauresse, et aussitôt la princesse elle-même, qui était dans le carrosse, donna l'ordre d'attendre. Un laquais ouvrit la portière et baissa le marchepied. Fontmort présenta la main à la jeune fille et la conduisit respectueusement jusqu'à la voiture où Madame de Conti semble l'accueillir avec amitié. « Que signifie tout ceci ?» demanda Chavigny au comble de l'étonnement. On ne lui répondit pas. Les jeunes gens, naguère encore si peu cérémonieux pour tant de grandes dames, étaient occupés à saluer la Mauresse qui partait avec son illustre compagnie de toute la vitesse des chevaux. Fontmort se rapprocha pensif de ses camarades. « Oh, vous me direz quelle est cette Mauresse ?» dit Chavigny en lui prenant le bras pour regagner le château. « C'est la favorite de la reine, » répondit Fontmort en sortant avec peine de ses réflexions. « Il est d'usage à la cour qu'on lui rende les plus grands honneurs, sans que personne sache pourquoi. Le roi et la famille royale en donnent le premier exemple. Quoi donc, le roi, sa majesté, ne passe jamais devant la Mauresse sans la saluer avec bienveillance. Est-elle donc d'une naissance illustre ? On ne sait rien sur sa naissance, » répondit Fontmort avec une répugnance visible. « Elle a été élevée par la Molina, qui garde au sujet de cette jeune fille le plus absolu silence. »« Ceci tient vraiment du prodige, » s'écria le jeune lieutenant. « Mais la cour, que pense-t-elle de ces mystères ?»« La cour ne pense rien. Elle y est habituée maintenant. »« Mais vous, Fontmort, vous paraissez connaître plus particulièrement cette Mauresse. Il m'a semblé que vous lui parliez avec chaleur pendant que vous la conduisiez à la voiture de la princesse. » En prononçant ces mots, Chavigny étudiait attentivement les traits de son compagnon. Il demeura calme et impassible. « Vous croyez ? » dit-il négligemment. « Mais non, » ajouta-t-il. « Je rassurais ces dames, rien n'est plus simple et plus naturel. Cependant, j'aurais juré... « Allons donc, messieurs les traînards, allons !» s'écrièrent en ce moment les autres officiers. On était arrivé à la place du château, encore tout encombré de chevaux, de valets et d'équipages. Chavigny quitta à regret une conversation qui commençait à l'intéresser vivement. Il se rapprocha de ses compagnons. « Eh bien, messieurs, voici l'heure de notre souper. Il n'est pas trop tôt pour commencer une débauche de prince. « Bien dit !» répétèrent en chœur les jeunes gens. Fontmort les salua et se prépara à se retirer. « Quoi ? Vous ne venez pas, vous, mon libérateur ?» dit Chavigny. « Non, messieurs, cette nuit je suis de service auprès de la reine. »« Au diable, le service » cria-t-on tout d'une voix. On fit mille instances à Fontmort pour qu'il risquât les arrêts. Chavigny surtout, qui avait bien vite reconnu la supériorité de ce bizarre jeune homme sur ses autres frères d'armes, resta en arrière pour le décider à se joindre à eux. Tout fut inutile. « Eh bien, soit » dit-il enfin avec expansion. « Vous l'avez dit, Fontmort, nous devons suivre des routes bien opposées. Mais souvenez-vous que dans celles que vous parcourrez, vous pouvez avoir besoin d'un ami sûr et dévoué. Appelez-moi. »« Un ami de cour ?» demanda le capitaine d'un ton sarcastique. « Un ami de cœur, un ami de cœur !» répéta vivement Chavigny en lui pressant la main. Il rejoignit la bande joyeuse qui se dirigeait vers le cabaret des armes de France en causant bruyamment et en écartant la foule avec l'insolence aristocratique qui distinguait cette jeunesse privilégiée. Fontmort les regarda un moment s'éloigner. « Un ami » murmura-t-il. « Oui, il m'en faudra un bien sûr et bien fidèle. J'éprouverai celui-là. » « Que de verres et de bouteilles seront cassés cette nuit » ajouta-t-il. « Que de bourgeois roussés, que de coups d'épée échangés peut-être. » « Ces enfants trouvent là le plaisir, qu'ils sont heureux. » Et un soupir de regret sortit de sa poitrine. En ce moment, le bruit des tambours et des trompettes annonça qu'on allait fermer les grilles du château. Fontmort sortit comme d'un profond sommeil. « Elle m'attend » dit-il à voix basse. Il se tourna du côté du palais et s'en approcha avec empressement. Quand il arriva à la porte de l'appartement de la reine, il s'arrêta, posa la main sur son front comme un acteur qui serait sur le point de jouer un rôle difficile. Tout à coup, il releva la tête. L'expression de sa physionomie était changée entièrement. Il épousseta légèrement ses manchettes de dentelle, rajusta son épée et franchit le seuil de l'antichambre. « Vous arrivez donc enfin ?» dit une voix douce aussitôt qu'il parut. «